France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1985, c'était le pilote autrichien Niki Lauda, triple champion du monde, qui était au centre du troisième des quatre volets de la série que les Nuits Magnétiques consacraient à la Formule 1. Raconter Niki Lauda, c'est inévitablement évoquer le terrible accident qui, en 1976, le fit passer du statut de champion à celui de héros mythique de la course automobile. Le 1er août, cette année-là, lors du Grand Prix d'Allemagne sur le circuit du Nürburgring, après une sortie de piste, il fut à deux doigts de périr dans sa voiture en flammes, d'où l'extirpèrent d'autres concurrents, au premier rang desquels le pilote italien Arturo Merzario. Grièvement brûlé au visage, transporté à l'hôpital dans un état critique, Niki Lauda reçut ce jour-là l'extrême onction. Mais 6 semaines plus tard, défiguré par des brûlures encore à vif, il était au volant de sa Ferrari sur le circuit de Monza pour terminer, le visage en sang, 4e du Grand Prix d'Italie. Quelle passion animait ce pilote pour qu'à peine sur ses jambes, il n'ait d'autre objectif que de reprendre place dans le baquet de son bolide. Quelle passion anime ceux qui, comme lui, tournent en rond, à tombeau ouvert, sur les circuits de Monza, Hockenheim ou Silverstone. Pour peut-être le découvrir, nous écoutons le 3e épisode du Grand Cirque de la Formule 1. C'était dans les Nuits Magnétiques, une émission diffusée la première fois, le 20 juin 1985, sur France Culture. Bonsoir. Ce soir, et toute la semaine, le grand cirque de la Formule 1. Jean-Philippe Domecq, Laurent Condominas, Mehdi Elhadj, Alain Berthet, avec Johnny Rive et Jean Tinguely. C'est une chose nécessaire à la vie, d'autant plus qu'on est des milliards d'automobilistes, qu'on est tous ralentis, on est tous frustrés, coupés en petits morceaux, on s'écroule dans le 100 à l'heure et 120 à l'heure. Alors il faut qu'il y ait une représentation de la vitesse, il faut, et c'est nécessaire, c'est très important. La vitesse, la représentation de la vitesse et le jeu de la vitesse, la vitesse devant nous, comme voyeurs, nous sommes tous des voyeurs. Vous voyez, parce que c'est évident qu'il n'y en a que 21 ou 26 qui se promènent en circuit, qui font leurs courses monstrueuses. Et nous, on est des millions à regarder, des dizaines, des centaines de millions. Et il faut que ça nous reste intact. Niki Lauda, trois fois champion du monde en 1975, 77 et 84. Après une course où Lauda obtint une brillante seconde place, on lui demanda ses impressions. « Je suis donc second », répondit-il. Johnny Rive. Les images semblent indiquer que quand Niki eut son accident de Nürburgring, il partait des stands après un changement de pneus et à l'endroit où l'accident s'est produit, c'est-à-dire à peu près à mi-circuit, il avait déjà parcouru 10 km. On a dit que les pneus étaient trop froids, pas encore rodés, etc. Ça semble étonnant, parce qu'il avait eu le temps de les chauffer dans les premiers virages, ils étaient rodés, ils devaient adhérer. Par contre, les images ont fait ressortir qu'il aurait pu commettre une erreur de trajectoire, ça arrive même au plus grand, même à l'ODA, et heurter avec ses roues gauches la petite bordure de piste à l'intérieur de la courbe dans laquelle ça s'est passé, une courbe sans aucune difficulté, qu'il aurait pu prendre à fond facilement s'il n'avait touché le trottoir. Si tant est, il l'a touché, je ne suis pas formel dans ce que je dis, mais il me semble bien que les images ont montré qu'il avait abordé sa courbe un peu plus tôt, pour une raison que j'ignore, et qu'il ignore sans doute, parce que je ne sais pas s'il a vraiment la mémoire de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc ça a déséquilibré l'auto, et bon, voilà. Elle est allée d'un talus à l'autre. Il aurait arraché son masque à oxygène aussi. Je ne sais plus ce qui s'est passé là. Il a reçu un poteau au cours d'un des tourniquets. Mmh. Il a reçu un poteau et sous l'effet de la douleur, il aurait eu très mauvais réflexe d'arracher le fil. Carrément le casque. Je ne sais plus si son casque. Il a commencé à retirer son casque. Son casque, il a peut-être retiré parce qu'il avait peut-être l'impression d'étouffer. Je ne sais pas. Sous un casque intégral, c'est assez stressant, hein. Mettre un casque intégral, il y a une cagoule anti-feu, donc le pilote commence à coiffer sa cagoule anti-feu qui le sert, c'est une cagoule épaisse, vous coiffez d'avoir cette cagoule donc qui laisse apparaître seulement vos yeux, certains aménagent des orifices pour le nez ou la bouche pour respirer, mais enfin bon, par-dessus cette cagoule vous mettez un casque intégral qui est juste à vos dimensions, donc c'est pas comme le type qui a une Vespa ou qui a n'importe quelle moto 125 qui met un casque qui jette sur sa tête qui est plus ou moins adapté à sa taille. Là, c'est des casques qui sont exactement adaptés à leur taille, c'est-à-dire qui ne ballottent pas, dans laquelle la tête est vraiment enserrée. Donc, on respire mal là-dessous, quoi. Et il est possible que le premier réflexe l'on ait quand on a eu un coup dur, c'est de chercher de l'air, comme quand on est sous l'eau et qu'on suffoque un peu. Et il est possible que ce soit un réflexe naturel que d'essayer d'arracher ce casque. Et en ce cas-là, ça a été très malheureux, puisque le feu s'est déclaré après, il n'était plus protégé. Mise au point et réglage des carburateurs. Problème de limiteur. Des stands. Premier plan sur un moteur sans turbo. chaque sport a une logique profonde. Et puis, il y a un jour, il y a un de ceux qui le pratiquent qui la rencontre dans son essence. On ne peut pas se cacher quand même que c'est un jeu, mais c'est le jeu suprême. C'est le divertissement suprême. On peut le dire pascalien parce qu'il essaye de distraire, mais en même temps, il ramène à l'essentiel, c'est-à-dire le danger, c'est-à-dire derrière la mort. C'est-à-dire derrière le chant des sirènes, terriblement séduisant de la vitesse, qui, je le rappelle, quand même le plaisir que le XXe siècle nous a donné, à ajouter à la somme de nos plaisirs, et il y a le danger de la mort. Or, lui a traversé cela, comme on sait. Et puis, il a traversé cela, il s'est arrêté non pas lorsqu'il s'est arrêté en 1919, il ne s'est pas arrêté à cause de la mort, il a continué après la mort, il est redevenu champion du monde après la mort. Donc, il est revenu à une compétition, 6 semaines après avoir failli en mourir, qui a été l'agent de sa mort. Là, il y a quelque chose de profondément homogène, une adéquation entre le destin d'un individu et le sport en question. Ceci dit, il faut bien dire que cet accident, ce terrible accident d'août 76 pour Niki Lauda, a fait aussi Niki Lauda. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'il nous disait à nous tous, et nous le savons, qu'il y a dans toute vie humaine, un jour ou l'autre, un obstacle majeur. Un drame ou un obstacle, disons. La réaction à l'obstacle, de notre réaction à cet obstacle, va dépendre notre destin, à savoir, est-ce qu'on va continuer à survivre ou est-ce qu'on va vivre ? Lui, il a pris l'obstacle ultime, la mort, et il l'a transformé en acte d'héroïsme. Et ça a fait Lauda. S'il n'avait pas brûlé comme il l'a fait, on n'en parlerait pas autant. C'était pour le Grand Prix d'Italie, à Monza. Et la grosse foule, tout ça, tout le monde aux abords du circuit, et on a dû repartir chercher quelque chose. On était en voiture, quand appel de phare et une Ford Capri rutilante, bardée de décorations, de chiffres, de numéros, tout le truc, quoi, nous double et nous fait un tête-à-queue. J'en sors de la voiture, l'air ravi, les occupants de la Ford Capri sortent, un jeune homme, une jeune femme, et se précipite sur Jean. Il commence à parler en allemand, je ne connais pas la langue, alors Jean l'arrête, nous présente, Laurent, Niki, Marlène, et ils se mettent à parler, et le jeune homme dit, ça y est, je viens de signer, j'ai signé chez lui. Alors Jean dit, ça y est, t'as signé chez lui, formidable, et tout ça. Et je dis, où est-ce qu'il a signé? Et le jeune homme se tourne vers moi et dit, chez Ferrari. Grosse surprise, parce que vraiment, il n'était pas le coureur pilote type. Hein, un jeune homme frêle, blond, très décoiffé ce jour-là, les yeux vraiment brûlants, absolument décidé à convaincre et à recevoir aussi l'aval de Jean. Et Marlène à côté, essayant aussi de quêter cet aval, savoir si c'était une bonne chose, une bonne idée. Et Jean, formidable, il lui tape sur l'épaule, il lui fait un sourire. Mais c'est bien, ça va courir. Et voilà, c'était Niki Lauda. Jean Tinguely, sculpteur. Niki et moi, on a toujours parlé de choses insensées, un truc très philosophique. C'est un homme extraordinairement disponible à la pensée, à des pensées tout à fait loin de la F1. Et il est très, très philosophique, très étonnant. Il lit beaucoup, il s'instruit beaucoup. C'est un homme c'est un homme d'une grande culture qui cache ça tout le temps. Ils doivent être très peu nombreux. Peut-être comme ça. Oui. Oh ben, il y a l'ironiste X qui est comme ça aussi un peu. Qui vit une vie de luxe, qui se refuse de travailler, qui a un secrétaire pour rien faire, qui réfléchit à la question, qui sait le nombre de choses qu'il fait, il fait bien, il s'occupe de l'éducation de ses enfants, il regarde la vie, c'est un promeneur. Jack X est un homme, un grand philosophe, qui a énormément profité de la F1 et qui réfléchit beaucoup à beaucoup de choses, qui fait encore un peu de compétition comme ça dans... mais qui ne prend pas ça très au sérieux, qui est plus proche de la vie, un des hommes les plus proches de la vie que j'ai jamais vu. très étonnant, extraordinaire personnage. Bon, Lauda est différent, Lauda est rationalisant, il cherche, c'est un chercheur, c'est un penseur, il est torturé. Almost lost your mind. One you love it mistreats you all the time. Things go wrong, so wrong with you. It hurts me too. Your man don't love you. He's gonna put you down. Come on with John, baby. Let's you and me blow this town. Things go wrong, so wrong with you. It hurts me too. He's got another woman. Baby, I love you. You loving him, honey, and stick to him like glue. When things go wrong, so wrong with you, it hurts me too. Put him down. It just breaks my heart, baby, to see you pushed around. Things go wrong, so wrong with you. It hurts me too. À ces images en mémoire. La foule à Monza délirant autour de Lauda qui se glisse dans son bolide, le visage couvert de cicatrices, et qui en sortira après la course, le visage en sang. 6 semaines auparavant, les télévisions de cette moitié de la planète annonçaient sa mort. À l'entrée d'une boucle du Nürburgring, 3 concurrents l'avaient trouvé brûlant dans sa Ferrari. Le circuit, abandonné depuis pour un anneau plus petit, était si long, 22 km, que les secours tardèrent à venir. Il a fallu que 2 pilotes franchissent les flammes. On s'en souvint encore le 7 octobre 1984, lorsque la Formule 1 vint au nouveau Nürburgring. Témoin la clameur de la foule lorsque Lauda effectua un dangereux tête-à-queue, et cette annonce journalistique, le duel Prost-Lauda prendra en ces lieux historiques une tournure toute particulière. Pour la beauté du geste, une victoire du pilote autrichien sur cette piste, où voici 8 ans, Arturo Merzario et Brett Lunger l'avaient sorti inanimé du brasier qui avait failli lui être fatal, constituerait un scoop extraordinaire. Visage brûlé et poumons gravement atteints par les gaz, Lauda fut donné pour mort. Les médecins appelèrent sa jeune épouse, le mariage datait de 3 mois, et le prêtre. Celui-ci administra l'extrême onction, mais en l'entendant refermer sa mallette, Lauda émit un gargouillement. C'était son seul moyen d'exprimer ce qui venait de lui passer par la tête en les voyant tous entériner sa mort. Les imbéciles, s'ils croient que je vais me laisser mourir comme ça. Intéressant qu'un sportif rapporte avec si peu de fioritures, d'élaboration après coup ou d'interprétation vaguement philosophique, l'ultime expérience humaine, le retour d'entre les morts. Il y a là un coefficient mythologique qui convertit une carrière en destin. Lauda racontera qu'il a tout vu, qu'il a lutté avec son cerveau pour repousser la mort, et que pour cela, il a dû désespérément résister au sommeil. Toujours est-il qu'il sortit du coma. Le championnat continuait et Lauda restait en tête puisque, avant son accident, il avait gagné 5 épreuves sur 9. Un grand prix passe, puis un autre. Lauda décida de sortir de clinique contre l'avis des médecins qui l'avertirent qu'en course, les greffes de peau tomberaient. Tout serait à refaire et il serait d'autant plus marqué à vie. Quelle passion au monde peut ainsi animer un homme ? Elle est contenue dans sa phrase de mourant qui exprimait un sursaut rageur. C'est le même sursaut qui le fait revenir à la vie, puis à la course aussitôt. Et c'est la même ivresse de la volonté qui poussera Lauda à reconquérir son titre mondial l'année suivante, puis à tenter en 1981 un second comeback qui tire un surcroît de prestige du premier, retour d'entre les morts. Nul doute que ses sponsors, en 1981, savaient que le public se souviendrait de quoi Lauda était revenu. Où l'on voit que ce comeback est l'actuelle traduction du cliché narratif du revenant, dont il ravive le potentiel émotif. Du revenant des anciens récits, Lauda a le visage et affiche sur sa face la mort qui magnétise la rumeur particulière au sport automobile. J'aurais pu avoir recours à la chirurgie esthétique, dit-il. Lorsque, tout de suite après l'accident, il a fallu pratiquer des greffes de peau autour des yeux, on m'a proposé les tarifs pour d'autres interventions. Nouveaux cils, transplantation de cheveux, une nouvelle oreille, et ainsi de suite. D'abord, c'était cher. Ensuite, le succès n'était pas garanti. Et enfin, je me trouve très bien avec mon visage. Il me manque presque une oreille, mais ça ne m'a jamais gêné. Au contraire, c'est plus facile pour moi maintenant de téléphoner. L'écouteur se trouve plus près du tympan et on entend mieux, surtout quand on vous appelle de loin. Jean-Philippe Domecq, le cas Lauda, le débat numéro 34. L'accident de Lauda, Lauda a été secouru par un pilote italien, Arturo Merzario, qui courait à l'époque dans une, qui a d'ailleurs, je crois, toujours couru en Formule 1 dans des écuries à très très petit budget, quand ça n'était pas sa propre écurie elle-même. Et je me demandais ce qui avait pu se passer entre Lauda, seigneur de la plus grande écurie, la plus riche, et son sauveur, plus exactement, après la reprise en compétition de Niki Lauda, qui je crois n'a jamais fait de déclaration au sujet de Merzario. Déjà, Merzario n'était pas tout seul. Oui, il faut préciser les circonstances. Il y avait également Brettlinger, il y en avait un troisième, j'ai oublié qui c'était. Ils étaient trois. Oui. C'était peut-être David Perley, je ne me souviens plus. Et donc, ils ont, quand la voiture de Lauda a pris feu, ils ont eu une réaction humaine dans ce que la personne humaine peut avoir de meilleur, c'est-à-dire qu'ils se sont approchés du feu pour essayer de l'éteindre, de retirer l'Oda de sa fâcheuse position. Et grâce à leur intervention, l'Oda a été secouru, mais il n'a pas du tout oublié Merzario, à qui il a rendu un hommage sincère et émouvant lorsqu'il a recouvré la santé. Et, c'était d'autant plus remarquable que ces deux garçons n'étaient absolument pas faits pour s'entendre. C'est-à-dire que l'Oda est un homme, je dirais, issu de la bourgeoisie, sans rien de péjoratif dedans, c'est-à-dire un garçon bien élevé, calme. Merzario, lui, il arrive d'une couche très populaire italienne. Rien ne dit que quand, avant de courir, il n'a pas cassé des vitres de voiture pour voler des autoradios avec ses copains dans la rue. Et donc, il n'était pas fait du tout pour partir en vacances ensemble, ces deux garçons-là. Et puis d'ailleurs, en piste, ils n'avaient absolument pas le même comportement. L'Oda est tout fait de pondération, de réflexion. Bon, il attaque, je veux dire. Tandis que Merzario, on le voyait brandir ses bras quand il n'arrivait pas à doubler un autre, ou bien faire des gestes obscènes à un commissaire qui n'avait pas fait son boulot. Enfin, c'est pas du tout le même genre de type. Et c'était très très bien que, finalement, ce soit Merzario qui soit amené à secourir l'Oda, parce que il s'est passé quelque chose de très important entre, je veux dire, l'Oda aurait eu tendance à ne pas regarder Merzario avant ça. Il devait même pas le regarder. Bon, ils sont chacun dans son univers. J'arrive au circuit, je me prépare mentalement, la voiture, les mécanos, ils ont bien fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme aileron? Ah bon, ils ont mis celui-là, on avait prévu de mettre un autre. Enfin, il pense à son truc, c'est un type très égoïste, un pilote. Et donc, l'Oda, en arrivant, avec tous ses problèmes, tout ça, il devait dire bonjour à ses copains, ceux qui côtoyaient, ceux qu'il voyait souvent sur les podiums, les Peterson, les Fittipaldi et tout ça, mais un type comme Merzario, bon, il devait lui dire un bonjour poli. Et ça avait évidemment complètement changé leur rapport après. Je me souviens qu'aussi ça avait changé les rapports de l'Oda avec Pescarolo, qui était dans une équipe très, très modeste et à qui il devait dire bonjour que quand vraiment il se croisait de près, sinon il n'allait pas le saluer, alors que peut-être se prenait-il par la main lui-même pour aller saluer Peterson au stand d'à côté. Ça se passe comme ça, il y a des espèces de clans qui se constituent par affinité, parce que, un peu comme à l'armée, qu'on n'est plus chez Pommes de Terre ensemble, ou je sais pas quoi, bon, tu me plais, je te plais. Bon, Merzario, il ne voyait pas. Et bien après ça, ça avait complètement bouleversé ses relations avec Merzario. Et je me souviens qu'il était également allé voir Pescarolo à Monza le jour de sa rentrée, Niki, pour lui parler à Pesca des blessures qu'il avait subies, des brûlures qu'il avait subies en 1969, c'est-à-dire 7 ans avant Niki, comment il s'était guéri, comment sa rééducation s'était faite, etc. Et Merzario, c'est un type gentil. Merzario, c'est bon, un type très populaire, mais très gentil, qui pouvait être impoli, certainement grossier, mais qui avait du cœur. Enfin, il avait son petit clan de supporters parmi les professionnels, les journalistes, les photographes, Merzario. Et je faisais partie de ce clan-là parce que c'est un type gentil et c'est important, quoi, les types gentils, ils sont pas si fréquents que ça. J'ai un autre exemple aussi de secours porté à un pilote, c'est au Grand Prix d'Afrique du Sud en 73, un carambolage avait éliminé quelques voitures au bout de la ligne droite dans le virage de Crosshorn. Et dans ce carambolage, il y a deux pilotes, Ray Gazzoni et Michael Wood, qui était un ancien champion motocycliste, champion du monde, et qui avait tenté sa chance en Formule 1. Et Elwood est assommé, il a pris un coup, je ne sais plus si une roue sur la tête, il est assommé à son volant, attaché par les harnais de sécurité, au moment où sa voiture commence à prendre feu. Et quand il voit ça, Gazzoni, qui est sorti de la sienne sans difficulté, se précipite pour sortir Elwood de l'habitacle de la voiture qui commence à brûler. Et sans son intervention, c'est le contraire. C'est Elwood qui va secourir Ray Gazzoni qui était assommé au volant de sa BRM. Elwood se précipite vers la BRM qui prend feu, essaie de sortir Ray Gazzoni de son habitacle, mais c'est difficile, un homme qui pèse 75 kilos, de le sortir d'un baquet 3, etc. Mais son intervention a encouragé les commissaires de piste à venir avec leurs extincteurs, S'il n'était pas venu, peut-être que les gens, pétrifiés par le feu, auraient regardé la voiture brûler, le type dedans. Et le fait que l'autre ait avancé dans les flammes et lancé ses bras à l'intérieur de l'habitacle qui commençait à brûler pour secourir Elwood a déclenché un mouvement chez les commissaires de piste qui sont venus avec les extincteurs, qui ont éteint le feu pendant suffisamment de temps pour que plusieurs bras viennent secourir Elwood, qui s'est d'ailleurs effacé pour laisser les secouristes sortir Regazzoni de son baquet. Et bon, c'est une réaction humaine qui évidemment ne laisse pas indifférent quand on lit ça dans les journaux. Et je me souviens que le dimanche d'après, il y avait une course de Formule 2 à Mallory Park, et puis j'avais fait comme les spectateurs anglais, j'étais allé voir Elwood comme ça, qui était près de sa voiture de course, près de son camion, course de Formule 2, donc toute humble, il y avait très peu de matériel, et Elwood assistait à la préparation de sa voiture par les mécaniciens de l'équipe Surtees, et il était là tout calme, tout modeste comme il était, et autour du camion de l'équipe Surtees, il y avait une centaine de spectateurs silencieux qui regardaient Elwood. C'était magnifique. Très très émouvant, enfin, très anglais, très poli, et personne ne disait rien. En Italie, les types seraient lui demander des autographes. Elwood, c'est bien ce que tu as fait. Il aurait bourré les côtes de ruade amicale. Là, chacun restait à sa place. Quand Elwood dressait le regard vers le public, les gens baissaient les yeux vers la voiture. Et dès que lui-même regardait sa voiture, les gens le regardaient. C'était magnifique. C'est une race spéciale, c'est des stars, des vedettes, des supermen extraordinaires qui représentent tellement bien une certaine folie qui se produit en nous et qui sont là pour jouer ce rôle. Et c'est pour ça qu'ils nous fascinent aussi. Et en plus, ils risquent leur vie et ils essaient de ne pas la risquer, ils ont raison, mais ils sont bel et bien obligés de la risquer. D'abord, avec le Grand Prix, c'est terrifiant, non? Oui. Ça me fait peur. Grand Prix du Japon, finale du championnat du monde 1976. La course s'est déroulée sous la pluie, malheureusement. Il pleuvait très très fort au moment du départ. Et donc, une course de Formule 1 sous la pluie, c'est quelque chose de très très incertain. Déjà, une course par elle-même, c'est plein d'incertitudes. Enfin, les types s'élancent avec... Il y a une vingtaine de voitures au départ, des moteurs très puissants, des types décidés à aller plus vite que tous ceux qui les entourent, etc. Bon, c'est un combat sportif, mais enfin un combat quand même. Alors quand s'y met de la pluie, il y a ce qui aggrave les difficultés, c'est le manque de visibilité en raison des projections d'eau provoquées par les roues qui ne sont pas carénées. Et donc, la course était est très mal partie, quoi. Quand à la fin du premier tour, quand le peloton est passé étiré devant les stands, le deuxième ne voyait pas le premier, donc le vingtième ne voyait pas le dix-neuvième, et encore moins le dix-huitième, etc. Bon, Lauda, qui deux mois avant avait eu son accident, s'est découragé, il n'y a pas d'autre terme, il s'est découragé, il s'est arrêté, il a dit « ça n'en vaut pas la peine ». Et puis, malheureusement pour lui, il était en tête du championnat du monde devant James Hunt. Malheureusement pour lui, la pluie a cessé, la piste a séché. Et les pilotes ont vu, la course a pris une tournure plus conventionnelle. Et Hunt, qui était en début de course comme Lauda, pas plus fiero, il était derrière, a réussi à gagner des places. Les types ont dû changer de pneus parce que les pneus pluie, quand la piste séchait, s'usaient... beaucoup plus vite que s'ils avaient des pneus ordinaires. Ils ont été obligés de s'arrêter au stand. Il y a eu des crevaisons par usure excessive des pneus, etc. Et c'est ainsi que Hunt a fini par se classer 2 ou 3e et est passé devant, de justesse devant Lauda, qui aurait pu faire le même résultat s'il avait eu un peu de patience, s'il avait cru que le temps allait s'améliorer, s'il avait tournicoté comme l'avait fait Hunt en début de course, et puis... gagner des places quand la visibilité s'est réinstallée sur le circuit. Mais on a beaucoup spéculé sur le fait qu'il soit aussi arrêté aussi brutalement. José Rosinski écrivait par exemple que c'était peut-être parce que Lauda s'était demandé trop à revenir si vite à la compétition après son accident du Nürburgring. Ah oui, il avait encore fraîchement en mémoire. Il ne pouvait pas ne pas être sensible aux conditions difficiles de course, sans visibilité aucune. Déjà, quand on n'a pas eu d'accident, je veux dire... il faut avoir les nerfs solidement trempés pour continuer à attaquer à la limite des possibilités de l'auto, d'adhérence et de visibilité. Là, il sortait de l'hôpital. Il était certainement beaucoup plus sensible qu'un autre. Et puis, il s'est dit, non, ça n'en vaut pas la peine. Je m'arrête. Les médias ont parfois, et les commentateurs, ce jour-là, ont parfois été un peu cruels, d'ailleurs, sur ce brutal arrêt de Lauda. Ben, ça, tout dépend des termes employés. Je veux dire, on ne peut pas critiquer Lauda de s'être arrêté ce jour-là parce que c'est humain. Enfin, je veux dire, bon, il s'est arrêté parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Hein, donc, il n'est pas critiquable du tout pour ça. Mais force est de dire quand même qu'il s'était arrêté parce qu'il n'avait plus réussi à faire preuve de la même autorité vis-à-vis de lui-même qu'avant son accident. Ça, c'est très bien dit, c'est sûr. Filet ligne droite. Fin de ligne droite, rétrogradage à la limite. monter en vitesse. Limiteur déréglé. Passage au ralenti. Rétrogradage. Remontez ligne droite derrière les arbres. Un avion. Le fossé qui sépare les acteurs de n'importe quel type de spectacle avec le public est décidément infranchissable. Samedi, sur le circuit de Montréal, les commentaires allaient bon train au sujet du départ à la retraite inattendu de Niki Lauda. On les résumera aisément ainsi. Les gens ne comprenaient pas. Les plus mesurés s'interrogeaient sans trouver d'argument à leur convenance. Les autres faisaient rouler des rires sarcastiques ou laissaient couler des torrents de fièvre. Niki Lauda venait de prendre une décision frappant de stupeur en premier lieu, ce qui oublie sans doute qu'un pilote est avant tout un homme. Sous le casque intégral vit un esprit et sous la combinaison anti-feu bat un cœur. Lorsqu'on observe les pilotes en action, une question saute à l'esprit. Qu'est-ce qui les pousse à affronter sans défaillance de pareilles épreuves? On ne dira jamais assez combien une voiture de course est un engin brutal qui réclame une force physique et nerveuse insoupçonnée pour être maîtrisée. Non content de réussir cela, un pilote de course doit aller bien plus loin, cravacher cette monture hurlante comme si elle était trop docile, trop timorée pour lui faire atteindre des limites qui sortent de l'imagination commune. Garder le pied à fond sur l'accélérateur lorsqu'on roule à 280 km/h et que l'on vient de croiser le panneau signalant la présence d'un virage serré 200 mètres devant soi fait appel à des ressources mentales difficiles à définir. Un pilote expérimenté et entraîné sait que le point de freinage pour ce virage est par exemple situé à 120 mètres, ce qui ne lui laisse plus que 2 secondes pour réagir lorsqu'il est lancé à la vitesse maximale de sa monoplace. Eh bien, contrairement à toute notion ordinaire, il ne freinera pas à 125 mètres, mais à 115. Cela revient à dire qu'au lieu de se donner une marge de sécurité d'un dixième de seconde, bien loin d'être impressionné par l'ouragan au cœur duquel il se trouve, le vacarme de 500 chevaux vapeur hurlant et le vertige d'être propulsé à 75 mètres par seconde, il n'a qu'une seule chose à l'esprit. Tenter de gagner ce dixième de seconde, ici, et aussitôt tenter d'en gagner un autre en remettant la puissance plus tôt que c'est faisable, et puis une autre encore au freinage suivant, etc. Le combustible pour alimenter une telle passion est fait d'un mélange d'ambition, d'orgueil et d'égoïsme qui s'ajoute à un amour effréné de compétition, un besoin de victoire, de succès. Ces réserves ne sont pas inépuisables. Chez les jeunes, ceux qui ont tout approuvé, l'ambition ne connaît aucun frein. Ils n'ont qu'une pensée, s'imposer. Mais avec le temps, lorsque s'accumulent dans la mémoire des kilomètres et des kilomètres à frôler le danger et à masquer sa peur, et que ce périlleux itinéraire s'assortit de quelques souvenirs cuisants, rupture de suspension, accélérateur bloqué, perte d'une roue ou d'un aileron, l'appétit de gloire s'amenuise d'autant mieux qu'il a pu être comblé. L'ambition s'estompe et laisse apparaître le décor vertigineux dans lequel le pilote mène sa folle campagne. Les roues de sa machine viennent frôler des glissières qu'il distingue mieux. Son pied droit appuyant sur la pédale de frein enregistre de manière plus perceptible les vibrations de sa machine torturée par une violente décélération. Ce n'est pas forcément la peur qui le gagne, nous dirons la raison. Alors, lorsque la course lui a déjà tout donné de ce qu'il pourrait rêver, il arrive qu'il soit littéralement submergé par une force qui l'envahit, qui le transforme. Elle est d'un effet foudroyant, comme la lumière éblouissante à la sortie des tunnels. Johnny Reeve, L'Équipe. C'est un petit peu différent là. Il s'est arrêté parce que, non pas parce qu'il était impressionné, il n'était pas impressionné par des conditions de course particulières, là je pense qu'il était fatigué, usé, érodé. Et c'était une question de, là c'était au Canada quand il s'est retiré, quand il a pris la décision de laisser les voitures de course, je pense que c'est parce qu'il n'avait plus d'enthousiasme pour faire un... pour se lancer dans une activité aussi qu'on peut payer d'un prix aussi cher, que je veux dire, pour ne pas parler de la vie, disons, on peut payer ça par une lourde infirmité. Il faut vraiment être passionné à un point extrême. À partir du moment où on perd un tout petit peu de cette passion, ça n'a plus être possible, quoi, de surmonter. On doit voir des choses qu'on ne voit pas, que la passion rend flou, quoi, je veux dire, rend inexistante, rend secondaire. Et là, il l'a très bien expliqué dans une interview, Loda. Il a dit, ce matin-là, je me suis réveillé très tôt en raison du décalage horaire. Quand on arrive en Amérique du Nord, on se réveille à 4-5 heures du matin. Je suis allé à ma fenêtre. J'ai regardé le ciel, la ville, les lumières, etc. Et il a déjà senti que il commençait à devenir un petit peu étranger, quoi, à la course automobile. Deux semaines avant, il avait gagné à Imola, je dois dire. Hein. Il faut rappeler ça. Il y avait une course à Imola hors championnat du monde. Le circuit était étrenné. Il devait faire ses preuves pour que l'année suivante, un Grand Prix de championnat y soit disputé. Et cette course-là, c'est Loda qui l'avait quand même gagné. Donc, à Imola, il avait encore toute son ardeur, tout son talent, etc., toute sa passion. Et là, au Canada, qu'est-ce qui est arrivé entre-temps et à quoi a-t-il pensé? Il s'est trouvé saisi de vertige. Et puis, il a essayé de conduire le vendredi matin, premier essai. Il s'est pointé chez Brabham, il s'est installé au volant de la voiture. Il a un peu roulé, il s'est dit « qu'est-ce que je fais là-dedans » Il était dans l'habitacle de sa voiture, le moteur qui pousse, qui se déchaîne, on ouvre l'accélérateur, on cherche sa trajectoire, on freine la dernière limite, et il a dû se dire, mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fous là? Et il s'est arrêté, il a dit, je m'arrête, et puis voilà, ça c'est une vague contre laquelle on ne peut rien faire, quoi, qui est irrésistible. Hein. Et le mystère, c'est qu'il revient, deux ans après. Ben oui, deux ans de disette, il a eu faim. Thank you. 1976, au cours de ce fameux Grand Prix du Japon sous la pluie, Niki Lauda a perdu le championnat du monde à un point près. Certes, il prendra sa revanche l'année d'après, mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un retour du destin, puisque en 84, il remporte de nouveau le titre à un demi-point près, face à Alain Prost cette fois. Il faut dire que quand il a vu, en début d'année 84, Alain Prost s'engager chez McLaren, ça n'a pas dû être très gai pour lui. Il avait passé l'année 83 à mettre la McLaren au point, et Dieu sait s'il l'a bien mise au point, puisqu'elle a gagné de façon écrasante en 84. Et puis voilà que débarque le jeune loup, Alain Prost, 5 ans plus jeune que lui, qui n'a jamais connu l'accident. Bref, un homme très rapide. Qui n'a connu d'ailleurs que la réussite jusque-là, et c'était un peu l'épouvantail à avoir Alain Prost dans son écurie. Ça fait peur, surtout pour un pilote d'expérience. Auparavant, Prost avait été le coéquipier débutant. Il a été le coéquipier de John Watson, qui était vraiment un pilote d'expérience, et très rapidement, il avait pris le devant. Donc pour Niki Lauda, c'était certainement un challenge tout à fait nouveau. D'abord, remporter un troisième titre après ses arrêts, ses accidents et tout ça, c'était déjà en soi-même un exploit, mais le faire à l'intérieur d'une écurie qui comportait en son sein le pilote jugé le plus prometteur, oui, c'était tout nouveau pour Lauda, puisque avant il avait eu des équipiers qui n'étaient quand même pas targués d'un aussi bon niveau. Oui, Regazzoni, c'était pas mal quand même. Enfin, en 84, c'est sûr que il se retrouve dans la position du vieux renard face au jeune loup. Et une chose qui n'a pas été assez observée, je crois, dans les commentaires, c'est que l'intérêt de ce duel, qui était une rivalité dans le partnership, n'est pas de savoir qui a été le plus rapide. Le plus rapide, c'est évidemment Alain Prost, plus jeune, qui n'a pas connu l'accident, qui a un corps plus intact, plus intègre. L'intérêt, c'est justement que Lauda voyait ça très bien, qu'il a voulu gagner. Et la meilleure des preuves, c'est une remarque qu'il a faite après la première victoire d'Alain Prost. Là, j'ai tendu l'oreille. Il a regardé Prost gagner, puis il a dit « Ah, cette année, il va falloir gagner avec sa tête. » Et c'est vraiment vraisemblablement ce qu'il a fait, car Lauda a cet aspect stratège très fin qui laisse le champ favorable à son adversaire lui échapper. Il s'agit donc d'englober ce champ dans un champ encore plus grand qui serait le sien, et qu'il a certainement résolu son problème en amenant Prost à son propre rythme de vie, enfin au rythme de Lauda, sa diététique, une conception éthique certainement différente de tout ce qu'avait connu Prost. On se souvient que quand Alain Prost est arrivé dans l'écurie, pour la première course, il y avait eu le départ. Prost rate son départ. Il explique plus tard, pourtant, oui, Niki Lauda m'avait dit, tu démarres à 10 000 tours, tu mets la sauce, en bref. Et Prost s'était dit, bon, s'il me dit, tu démarres à 10 000 tours, ça veut dire qu'à 10 000, je patine, je grille mon embrayage, donc je vais démarrer à 9 500. Résultat, il démarre à 9 500 et il perd son départ. C'était la première fois que Lauda se trouvait en face d'un adversaire qui jouait franc jeu. Il lui avait dit, d'ailleurs, au cours d'un cocktail pendant l'hiver, c'était leur premier contact, il lui avait dit, dans une même équipe, on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas se haïr. Il faut se respecter. Silver saxophone, they say that you refuse you. cabaret, par exemple, tous les jours, il fait dans les 500 km, presque, sur le circuit privé de Fiorano, en Italie, chez Ferrari. Et il fait 500 km par jour. Et il doit les faire. Il y a eu une anecdote assez fameuse dans le milieu, à propos de Fangio. Les admirateurs de Fangio remarquaient, comme tu le dis, Laurent, qu'il passait toujours par la même trajectoire. Ils avaient fait une petite expérience. Ils avaient pris un lot de boîtes d'allumettes. Et ils disposaient la boîte d'allumettes dans un virage donné, à 4 cm de la bordure, à un endroit extrêmement précis, fléché. Et à chaque fois, la boîte d'allumettes était écrasée. Quant à la concentration, il y a un phénomène, la concentration sur 2 heures, comme tu disais, il y a un phénomène qui est très symptomatique, qui est bien connu là aussi des coureurs, c'est que lorsqu'ils ont la course gagnée, à 15 tours de la fin, se passe un moment très dangereux pour celui qui est promis à la victoire. À savoir qu'il risque de perdre sa concentration par manque de difficulté. Et il arrive que pour ne pas prendre ce risque de perte ou d'atténuation de la concentration, le pilote choisisse d'accélérer. D'accélérer alors qu'il devrait ménager la mécanique. Oui, mais ménager les mécaniques, ça veut peut-être dire aussi ne pas ménager son état de concentration. Donc pour le préserver, il accélère. À l'inverse de ce qui vient d'être dit, il y a aussi les pilotes qui sont connus pour leur qualité de remontant. C'est-à-dire qu'ils démarrent une course, comme ils disent, à petite allure, du 290 au lieu de 295. Tout est relatif dans ce monde-là. Ils font leur course, ils attendent que tout le monde casse son moteur ou s'épuise à faire le lièvre. Et puis d'un seul coup, ils remontent. Il y a des spécialistes de ça. Jacques Lafitte, par exemple, sa première victoire est heureuse. Il était en 11e position. Il a gratté tout le monde, comme on dit. Et puis, il s'est retrouvé premier. Dans le cas du pilote qui, après avoir maintenu un certain rythme, décide d'accélérer et de porter l'alali, il ne s'agit pas vraiment d'un alali. C'est une chasse, c'est d'accord, mais il s'agit donc d'une résurgence. Étonnamment, tous ces pilotes tournent. Certains d'entre eux tournent un petit peu comme des zombies, car tous les pilotes ne sont pas parfaits et les pilotes parfaits ne le sont pas toujours. À un moment, une sorte de résurgence, c'est-à-dire que du pilote, il parvient dans la même journée à la condition de super pilote. Et là, il n'y a plus rien. C'est l'osmose totale. Il n'y a plus rien que lui. Et d'ailleurs, les spectateurs en général ne s'y trompent pas. Ils délaissent le premier, ils délaissent le deuxième, ils délaissent tout le monde, le plus spectaculaire. Ils en restent à celui qui est en train d'annuler tout ce qui a été fait précédemment en roulant simplement sur une autre dimension. Et c'est ce qu'on appelle vraiment l'état de grâce. On le sent, l'état de grâce. On le sent du bord de la piste. Et ça, il peut d'ailleurs survenir que cet état de grâce soit la conséquence directe d'un accident auquel a été soumis le pilote en question. Ou d'un frottement, comme on dit, avec un adversaire. Ça l'a énervé, mais il s'en est tiré. Alors du coup, il croit à ce qu'ils appellent leur bonne étoile. Car le pilote croit en sa bonne étoile. Il est comme le militaire, il gagne tant qu'il voit encore sa vie devant lui. La vie peut être interprétée comme une victoire, comme une arrivée, alors que la mort peut être interprétée comme la sortie de route, l'ennui, le pépin mécanique, ou, ce qui est pire, être plus loin que le sixième, c'est-à-dire en dehors des points. S'il voit sa mort devant lui, c'est-à-dire s'il ne croit plus ni à lui, ni à la rencontre qui doit avoir lieu entre lui, sa voiture et les autres qu'il voit, qui sont là comme un obstacle à effacer. On l'efface, on le... Tu disais, Jean-Philippe, ce n'est pas un affrontement, et c'est vrai, on ne va pas casser, on ne va rien casser. Il s'agit plus de Sun Tzu que de Clausewitz. On utilise les autres, tu disais, on aspire, on prend la vitesse de l'autre. On utilisera la faute de l'autre, on utilise l'autre. On ne lui passe pas dessus. Et donc, une fois que c'est fait, on l'efface. Il est derrière. On ne le regarde plus dans les rétroviseurs, on va au prochain. Réparation pendant les essais. Nous attendons toujours avant le véritable départ de cet essai officieux, non qualificatif. On nous avait annoncé il y a quelques minutes, c'est 12h15 maintenant. Un peu de patience, les Formule 1 rentreront en piste. Dès que tout sera en ordre, cela ne pourrait durer. Oui. minutes avant le départ des laissés libres. 2 minutes. I was just being told that there's 2 minutes now from the start of practice. Il faut 2 pilotes à fond, tout le temps. Et ça ne veut pas dire seulement à l'entraînement officiel. Il faut faire ça avant dans des essais privés. La grande discussion, c'est de savoir si une bonne équipe pour être championne du monde doit avoir un très bon pilote, une seule voiture, concentrer tous ses efforts sur ce pilote et sa voiture, ou bien avoir 2 très bons pilotes et 2 voitures pour doubler ses chances. Mais on peut doubler ses chances, ça dépend comment on voit le problème, ou on peut les diviser par 2. Oui. Si on estime qu'ils vont gagner à tour de rôle et qu'ils vont abandonner à tour de rôle, au lieu que ce soit le même qui totalise 60 points à la fin de la saison, il y en aura 2 qui auront 30 points chacun. Aujourd'hui, chez Ferrari, il y a Alboreto, il y a Johansson. Si les 2 Ferrari venaient à se trouver en tête d'une course facilement, il est incontestable qu'on demanderait à Johansson de laisser gagner Alboreto et de ne pas essayer de le dépasser. Pourquoi on lui demanderait ça? Parce que si il essaie de dépasser Alboreto, Alboreto va essayer de rester devant. Donc ils vont mettre la solidité de leur voiture à l'épreuve, ils vont rouler à la limite de ce que peut donner l'auto, ils peuvent casser une des 2 autos, peut-être les 2. Soit une panne mécanique en la poussant très très fort l'auto, soit en s'accrochant, même ça peut arriver, ce qui serait idiot pour l'équipe. Donc il est admis que quand une équipe domine à ce point-là, on dit ben, restez sur vos positions, ou si on ne dit pas restez sur vos positions, si les 2 pilotes ne sont pas à grade égal, on dit ben, c'est le leader qui l'emporte devant l'autre. Voilà. Et pourtant, Prost a été très fâché avec Arnoux, Villeneuve a été assez fâché avec Pironi. Très fâché. Très fâché. Et Villeneuve est d'ailleurs mort dans le Grand Prix suivant, après suivant la bagarre extraordinaire qu'il y avait eu entre les 2 pilotes Ferrari. Et Villeneuve estimait qu'il avait été trompé par Pironi, tout comme Prost estimait qu'il avait été trompé également par René Arnoux, qui avait eu l'audace de passer devant lui. Non, il n'avait pas eu l'audace de passer devant, il était en tête. Et quand ils se sont trouvés débarrassés de la menace des Brabham, ils étaient 3e et 4e, 3e Arnoux, 4e Prost. Les 2 Brabham menaient la course, elles ont eu des incidents de moteur, et le classement est devenu 1er Arnoux, 2e Prost. Prost était en tête du championnat du monde, il avait une chance de devenir champion du monde. Pour Renault, c'était très important, il était dit que le leader n'était pas désigné en début d'année, mais était désigné en fonction des événements, ça devait être Prost. Bon, Arnoux a estimé qu'il devait gagner cette course parce que c'était sa victoire, il s'était montré plus rapide ce jour-là que Prost, et ça fait longtemps qu'il n'avait pas gagné pour Renault. Bon, il a estimé qu'il devait garder la victoire qui lui revenait, et Prost a estimé qu'Arnoux n'avait pas joué le jeu d'équipe, ça, on ne peut pas leur en vouloir, et à l'un et à l'autre d'avoir tenu cette position. Mais entre Pironi et Villeneuve? Entre Pironi et Villeneuve, il n'y avait pas de leader désigné, ça se passait en début de saison, c'était début mai, et chez Ferrari, ils n'ont pas été bien nets sur cette histoire-là. Quand ils se sont trouvés débarrassés d'Arnoux, qui les menaçait, les 2 Ferrari se sont trouvés donc en tête de la course, 1er et 2e, et ils leur ont demandé par panneau de ralentir, ce qui signifiait plus ou moins de rester sur ses positions. Ça le signifiait sans le signifier. Alors bon, Villeneuve lui a compris que au moment où ils ont reçu le panneau, il était devant Pironi, il a compris que ça voulait dire que la victoire lui restait acquise, il n'avait plus à s'entretuer, à s'entrebattre. Pironi, lui, estimait que il devait se battre. Un équipier, c'est également un adversaire, et voilà, ils sont fâchés sur ce coup-là, quoi. Deux voitures, de puissance analogue, essaient de se doubler en ligne droite. La bleue roule à 200, la rouge à 205. La rouge grignote lentement la bleue. Elle est à la hauteur des roues arrière. Ses roues avant dépassent les roues arrière de la bleue. Le chauffeur rouge arrive à la hauteur du chauffeur bleu. Les spectateurs entrevoient deux bolides, l'un bleu, l'autre rouge. Ils ont à peine le temps de distinguer leurs numéros et pas du tout le temps de voir les pilotes. Mais les deux pilotes se trouvent presque immobiles l'un par rapport à l'autre. Le bleu à 200, le rouge à 205. C'est exactement comme si le bleu était immobile, le rouge étant en train de passer devant lui à la vitesse d'un homme au pas. Mais voici qu'au moment où ils se trouvent de front, le tapis roulant précipite un virage vers eux. Ils savent l'un et l'autre que c'est un virage étroit qu'ils ne peuvent pas franchir de front, ou bien une voiture qui les précède bouche la moitié du virage. L'un des deux doit donc laisser le passage à l'autre. Sinon, ils se cogneront dans le virage, et l'un ou l'autre, ou sans doute les deux, auront fini la course et leur vie. Selon le règlement des courses, celui qui va le plus vite a priorité. Le bleu devrait donc laisser passer. Mais comme ils se trouvent de front et vont sensiblement à la même vitesse, ce n'est pas le règlement qui décide, mais le caractère. Les deux hommes se connaissent, ils se sont déjà éprouvés l'un l'autre dans maintes courses. Ils s'aiment ou se haïssent. Le besoin qu'ils ont de gagner les primes attribuées aux vainqueurs est plus ou moins pressant. Et ils se trouvent de front, à 200 à l'heure, mais presque immobiles l'un par rapport à l'autre. Ils pourraient presque se défier du regard. La décision doit être prise dans un fragment de seconde. Toutes sortes de facteurs jouent. Le désir de la gloire est plus ou moins grand, selon le moment de la carrière, l'âge. Mais finalement, c'est celui qui a le plus de caractère qui l'emporte. Si les deux hommes sont très valeureux, ils retarderont l'instant de freiner jusqu'à l'extrême limite du moment où il est indispensable de freiner pour pouvoir négocier le virage. Mais dans cet instant, celui qui a un peu moins de caractère, ou moins de raisons pressantes de vouloir gagner la course, freinera davantage. Il se couchera, l'autre passera. Roger Vaillant. Nambara awambaye nganiwe ngumbuye andakumbuye rubinga atwagendanye tagendanye ayitwa bararuhinga numugenzi nifuza nimukonde imezi yose changer les rapports. Il y a une vingtaine d'années, on avait l'impression qu'il y avait une sorte d'amitié, d'émulation amicale, en tout cas. Oui, peut-être, mais il y avait moins de communication entre les pilotes parce que les machines étaient moins bien réglables. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de communion. Par exemple, je sais que Lauda a introduit dans la F1 l'honnêteté en ce qui concerne de dire la vérité à son copilote quand ils sont deux à régler deux machines ou trois machines pour un Grand Prix ou pour la saison. Il se va de soi que, par exemple, l'honnêteté aujourd'hui est de rigueur. Et on ne triche plus. Si on dit qu'on passe à 10 000 tours à fond là, à cet endroit, à ce grand virage, eh bien, on peut passer à des conditions comme ça, avec cette suspension durcie là et ce genre de pneus. Et ils se disent la vérité. Ils sont très honnêtes ensemble. Je suis sûr, par exemple, qu'Alboreto aide déjà Johansson. C'est dans son intérêt à lui aussi. Et Niki Lauda a tout de suite fait ça. Il l'a fait déjà avec Watson. Et il le refait avec Alain Prost. Il est correct. Et j'ai entendu Alain Prost bien déjà étant obligé de constater que l'honnêteté et l'assistance de Niki Lauda est une chose à présent établie dans tout le circuit. Oui. Je veux dire, parmi tous le groupe de cette élite de coureurs. Je crois que Clark était un garçon modeste et timide, d'un grand talent. Et bon, étant modeste, il n'avait pas à étaler sa supériorité, étant timide non plus. Il ne parlait pas volontiers de lui, je pense, mais enfin, c'était un type assez étonnant parce que il était, contrairement à son apparence, Il était, ça c'était très très net, pour qui regardait les voitures en action, les pilotes en action, il était teigneux. Une fois au volant, il était teigneux, c'est-à-dire que il n'était pas teigneux au sens péjoratif du terme. Aujourd'hui, on pensera à Patrese, qui va toucher un peu les roues de ses copains, en le faisant plus ou moins exprès, pour les intimider, pour ne pas se faire dépasser. Non, Clark, il était teigneux vis-à-vis de lui-même, de sa voiture. Il se battait contre la montre et contre son auto. Il l'amenait vraiment à ses limites, très très près de ses limites, avec une rage terrible. Je me souviens de Clark à Reims, en 62 ou 3, avec sa Lotus. Les monoplaces du début des années 60 étaient des voitures assez frêles, peu puissantes comparées aux F1 d'aujourd'hui, puisqu'elles devaient faire dans les 200 chevaux, pas plus. C'est-à-dire guère plus qu'une F3 d'aujourd'hui. Elles posaient des problèmes de pilotage, de subtilité, une grande finesse, il fallait à peine les caresser, quoi, ces autos. Et Clark n'avait pas son pareil pour, en abordant un virage, en étant en plein virage et en sortant du virage, pour avoir le pied soit sur l'accélérateur, soit sur le frein. C'est-à-dire que il approchait vraiment l'idéal de la conduite, il réussissait à freiner sa voiture depuis le point qu'il estimait être l'ultime point au-delà duquel il n'aurait pas pu prendre le virage. Il freinait à ce moment-là, il décélérait, à l'entrée du virage, il avait toujours le pied sur la pédale de frein, il était toujours en décélération lorsqu'il braquait ses roues avant et qu'il approchait la corde, et lorsqu'il atteignait le point de corde, à ce moment-là, la décélération était arrivée à son terme, il était arrivé au point où il pourrait réaccélérer, il n'aurait pas pu arriver plus vite, et à ce moment-là, comme le virage s'ouvrait devant lui, il passait directement de la pédale de frein à la pédale d'accélérateur, c'est l'idéal. Et là, il reprenait sa vitesse, c'est-à-dire que il n'avait eu aucun moment où, entre le contact avec les deux pédales, il était hésitant, soit à freiner, qu'il aurait freiné trop tôt, soit accéléré, il aurait accéléré trop tard. Degrés à l'ombre des parasols, parapluie sur les carlingues, sac de glace au flanc des moteurs. On parle aussi d'essence réfrigérée. Attroupement devant les stands Lotus et Lola. Une perche à micro pointe au-dessus des têtes. De l'attroupement émerge l'aileron puis la coque rouge et blanche de la Lola. Quand apparaît son numéro, le 8, des gamins agitent des banderoles. Quelques applaudissements, couverts par un moteur qu'on fait chauffer. C'est du côté du stand numéro 17, où se dirigent aussitôt quelques photographes et ceux qui ont le droit d'être là-bas. Le bolide numéro 17, bleu, à hauteur des genoux. Une caméra approche des bustes postés au stand Lotus. Stand voisin, la coque rouge et blanche pivote, s'incline à bout de bras. Le micro et une caméra sont braqués vers le fond de la carrée. Les deux casquettes des pilotes. L'un porte un blouson assorti à la casquette publicitaire. Il fait quelques pas d'une silhouette à l'autre. La coque de la numéro 8 redescend derrière les bustes. Thank you. dizaine de Grands Prix depuis plusieurs années. Mais tu as eu aussi la chance d'être de l'autre côté de la rampe, c'est-à-dire que tu as conduit notamment une Lotus Formule 2. Formule 3. Quelle vision tu as de la foule lorsque tu es en pleine vitesse sur un bolide? Est-ce que tu vois un Johnny Reeves isolément? Les courses auxquelles j'ai participé n'attiraient pas vraiment les grandes foules, quoi. Il faut bien le dire quand même. Hein. Restons modestes. On est tellement occupé par ce qu'il faut faire pour aller le plus vite possible avec les moyens dont on dispose et puis la voiture qui vous a été confiée, que il n'y a pas beaucoup de circonstances où on peut faire attention au public. Alors, les pilotes aujourd'hui disent que quand celui-ci manifeste, agite des mouchoirs, des drapeaux, quand il, par exemple, la course a été marquée par un dépassement important et qui une Ferrari dépassera une Lotus sur un circuit italien, la foule réagit. Le pilote sent le mouvement de la foule plus qu'il ne le voit parce que il regarde sa trajectoire, il regarde là où il va freiner, là où il va mettre ses roues, etc. Mais il aperçoit dans un coin. Bon, et ça, au lieu de l'écarter, comme il fera avec la chemise jaune du spectateur entrevu tout à l'heure, il va l'écarter aussi, mais il en gardera une toute petite notion qui sera un encouragement. Ça le porte un petit peu comme le footballeur est porté par son public qui l'encourage au moment où balle au pied, il descend vers le but adverse. Mais moi, je me souviens d'une influence qu'avait eu le public sur une de mes courses où il se met à pleuvoir. J'étais au volant de la voiture, il se met à pleuvoir. C'était les 1000 km de Paris en 67. Il se met à pleuvoir, j'arrive au bout du circuit, il pleut un petit peu, suffisamment pour que la piste devienne glissante. Et j'avais pas de pneus pluie. Et je pars en tête à queue. Bon, je repars, je cale pas, je remets première, je repars. J'arrive à un autre virage, pan, tête à queue. Troisième virage, troisième tête à queue dans le même tour. Alors donc, ça prouve que j'étais pas très bon, déjà, et d'une. Et puis, ça m'a quand même, au bout de trois têtes à queue, quand même, j'ai beau être têtu, je me suis dit, il faut pas que j'aborde les virages avec autant de naïveté, donc il faut que je m'y prenne un petit peu prudemment. Mais alors là, à ce moment-là, je me trouvais tellement prudent que je me suis dit, je vais regarder les spectateurs, s'il y en a un qui siffle, j'abandonne. En fin de ligne droite, rétrogradage, 5e, 4e, 3e seconde. Il y a des articles que tu as le temps d'écrire parce que tu es en Europe, à 400 km de Paris, 450 dans le cadre du Grand Prix de Belgique. Et puis il y a ceux que tu dictes par téléphone lorsque tu es par exemple sur le continent américain, comme ça va être le cas. Comment ça se passe dans la salle de presse? Tout le monde se précipite sur les téléphones et toi-même tu dictes de façon automatique ton article? C'est un exercice physique. Dicter un papier après un Grand Prix, lorsque le décalage horaire vous contraint de le dicter sans l'écrire, c'est déjà difficile. Mais comme lorsque c'est le cas aux États-Unis, la salle de presse est située au Canada, elle est à 600 mètres à peu près de la piste, du coin de la piste où je me trouve, qui est le point le plus près de la salle de presse. À Détroit, elle est loin aussi, il faut courir, monter des escaliers, franchir des passerelles, prendre des ascenseurs, etc. Enfin, c'est de la folie. Donc, une fois la course finie, il est 9h30, 10h en France, 10h30, donc le journal va boucler, il faut passer un coup de téléphone instantané. Alors, passer un coup de téléphone instantané quand la ligne téléphonique est à 600 mètres, ça réclame déjà de courir pendant 600 mètres. Et ça ne vous permet absolument pas de réfléchir à ce que vous allez raconter. Et quand vous arrivez, vous décrochez, vous demandez un PCV, Avec le risque que la fille vous dise « ça ne répond pas », parce que parfois le standard est un petit peu occupé, alors ça ne répond pas. « Mais si, mademoiselle, c'est un journal, il y a quelqu'un. » Non, je vous assure, monsieur, rappelez plus tard, ça ne répond pas. Paf, elle raccroche. Alors là, l'énervement monte vraiment très fort. Et quand on a le journal, vous passez sténo, et puis il faut raconter une histoire, là, avec les quelques notes qu'on a prises pendant la course. Et c'est un exercice passionnant, parce que c'est on vous demande de faire l'impossible, quoi. Bon, alors, évidemment, on n'y arrive pas, le papier est nul, mais ça procure un grand plaisir, parce que c'est s'attaquer à une paroi verticale, quoi, quand on a les pieds nus et mains nues. C'est formidable. Alors, le papier n'est pas bon, mais on enregistre un grand plaisir à travailler dans ces conditions-là, qui sont limites. Qui sont limites. C'est pas l'automatisme, c'est l'improvisation, c'est la précipitation, c'est une réflexion instantanée. On peut se tromper, on commet des erreurs de jugement ou des omissions considérables. Et bon, on se punit, après on se dit « quel idiot ou... ». Mais l'exercice lui-même est fabuleux, quoi. Mais il n'y a pas des possibilités, disons, de s'appuyer sur une quelconque rhétorique. Vous avez quand même un métier considérable. Est-ce que vous n'entrez pas dans la cabine en ayant déjà quelques schémas qui vont pouvoir de toute façon servir? Ou est-ce qu'à chaque fois, c'est une improvisation complète? Ce qui irait complètement à l'encontre de ce qu'est la course automobile, qui, elle, doit être constamment maîtrisée. Étant donné que chaque course a son propre scénario et que celui-ci est absolument imprévisible, on est obligé d'improviser complètement. Il n'y a rien qui ne peut être préparé. Si, pendant que la course se déroule, par exemple, s'il y a un temps de 10 ou 15 secondes entre le passage de deux voitures, on peut se dire, tiens, à propos de cet incident-là, il faudra que je dise ça et ça, parce que ils avaient eu déjà la même alerte chez tel moteur ou tel pilote qui s'y était mal pris pour faire tel dépassement, à recommencer. Et puis, au moment où on dicte, on peut l'oublier aussi bien, parce que c'est tellement précipité, il faut tellement... Alors, les sténos se succèdent et ils vous prennent à peu près la valeur de 1/2, 3/4 de feuillet chacun. Je t'en passe un autre, et pendant ce temps, il tape le début du papier, tout ça, et on arrive à faire 4-5 feuillets comme ça, qui sont vraiment le brouillon d'un brouillon d'un brouillon. C'est même pas un brouillon, c'est indigne d'un article, mais c'est un petit peu de l'équilibre, qu'on est sur le fil, et c'est vraiment plaisant à faire quand on aime travailler comme ça. Filer ligne droite à 290 km/h. Et quand ton article doit relater un accident? Oui, j'en souffre un peu, mais j'ai l'impression, enfin, à force de voir la façon dont je travaille, etc., que c'est au moment des incidents les plus dramatiques, des tragédies même, je dirais, peut-être que est-ce dans ces moments-là que j'ai l'impression de m'exprimer le mieux, c'est-à-dire avec aussi de justesse, en n'utilisant pas des mots en restant le plus proche possible de la vérité, sans essayer de tirer la couverture sur un événement un peu monstrueux, en disant vraiment ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est pour, en décrivant des drames, des tragédies, que je suis le plus modéré et le plus juste, il me semble. Parfois, on éprouve une espèce de déchirement. Je me souviens, par exemple, de l'accident de Pironi à Hockenheim. J'ai beaucoup... Peut-être que j'ai vieilli de 3 ans le temps d'écrire mon papier, parce que j'ai essayé de décrire ça avec le plus de précision possible, mais en étant le moins morbide possible. Et dans ces situations-là... J'ai l'impression de payer beaucoup de ma personne physiquement. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une espèce d'épuisement à la fin du papier. Et puis après, quand il est imprimé dans le journal et que je le revois, je me disais, en le revoyant le lendemain dans le journal, je me disais, est-ce que Didier comprendra tout ce que j'ai dit là, qui aide à faire comprendre aux autres pourquoi il s'est trouvé dans cette situation qui l'a amené à cet effroyable accident, quoi. Et c'est la peur qui ne m'est pas compris qui me fait souffrir, peut-être. est au XXe siècle, c'est-à-dire dans un siècle où, après un certain nombre de... comment dire... de grandes leçons d'ambiguïté politique, on est à un siècle où le messianisme politique est mort à jamais. Nous sommes donc à un siècle où nous savons que la victoire ne l'emporte plus. Toute passion, si passionnée soit-elle, est de toute façon absurde, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de sens. Mais aussi, c'est un siècle où nous sommes doublement étrangers. Étrangers au sens de Camus, c'est-à-dire dans une époque où l'humanité a beaucoup de mal à trouver un sens à son existence. Étrangers aussi après la mort de Dieu, prononcée par Nietzsche. Mais étrangers aussi au fait que nous sommes étrangers à nos semblables dans une société où il n'y a plus de perspective de politique. Donc ce pilote de Formule 1 qui s'est livré lui au divertissement, c'est peut-être la seule chose qui nous reste à faire, de tourner en rond chacun dans son coin du mieux qu'on peut, eh bien, il prend l'absurdité de cela en pleine figure au moment même où il va triompher. Le retour de Niki Lauda à la compétition, ce serait Rimbaud se remettant à écrire ? Ce serait Rimbaud revenant du Harare, mais pour quelle raison donc ? Le grand cirque de la Formule 1, avec Laurent Condominas, Jean-Philippe Domecq, Jean Tinguely, Johnny Rive, André Velter. Les textes de Johnny Rive, Le Funambule pris de vertige, Roger Vaillant, Avant les 24 heures du Mans, Jean-Philippe Domecq, Le cas Lauda et Sirène Sirène, est élu par Laura Duke, Laurent Condominas et Jean-Philippe Domecq. Nuit magnétique, Pierre Monteil, Mehdi Elhadj. Demain, suite du grand cirque de la Formule 1. Bonsoir. Cette émission a été diffusée la première fois le 20 juin 1985 sur France Culture. À suivre. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.